Seigneur, à nous la puissance, par son bras puissant, à nous la force, la joie du Seigneur, à nous la puissance, par son bras puissant, faisons monter, il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour souffrir, mais il y a un temps pour se réjouir. Je veux parler à quelqu'un. Écoute-moi bien. Le temps de ta souffrance est arrivé à son terme. L'Éternel veut ouvrir maintenant dans ta vie un nouvel air qui est l'air de réjouissance où tu vas oublier la honte, l'humiliation que tu as subie. Crois. Ne dis pas que ce que j'ai vécu va toujours m'arriver. Non. Oublie le passé. La Bible dit, ne pensez plus aux événements passés, ne considérez plus ce qui est ancien. Je vais faire des choses nouvelles. Réveille-toi. Crois. Saisis cette parole. C'est pour toi. Nous sommes à OSB. Réveille ton mari. Réveille ta femme. Réveille ton voisin. Notre passage du jour, c'est Matthieu 2, 1 à 12. Chaque matin, je me lève. Je prie avec OSB. Chaque matin, moi, je prie. Je prie avec OSB. Lisons Matthieu 2, 1 à 12. Jésus étant né à Bethléem, en Judée, au temps du roi Hérode, voici les mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent : où est le roi des Juifs qui vient de naître ? Car nous avons vu son étoile en Orient, et nous sommes venus pour l'adorer. Le roi Hérode, ayant appris cela, fut troublé et tout Jérusalem avec lui. Il assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple, et il s'informa auprès d'eux où devait naître le Christ. Ils lui dirent, à Bethléem en Judée, car voici ce qui a été écrit par les prophètes. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre entre les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui pètera Israël, mon peuple. Alors Hérode fit appeler en secret les mages et s'enquit soigneusement auprès d'eux depuis combien de temps l'étoile brillait. Puis il les envoya à Bethléem en disant, « Allez et prenez des informations exactes sur les petits enfants. Quand vous l'aurez trouvé, faites-les-moi savoir afin que j'aille aussi moi-même l'adorer. » Après avoir entendu les rois, ils partirent. Et voici l'étoile qu'ils avaient vue en Orient marchait devant eux jusqu'à ce qu'étant arrivée au-dessus du lieu où étaient les petits enfants, elle s'arrêta. Quand ils aperçurent l'étoile, ils furent saisis d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, virent les petits enfants avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leur trésor et lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Puis, divinement avertis en songe de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Amen. Nous allons partager trois grandes vérités tirées de ce passage. La première vérité concerne la révélation sur la personne de Jésus. Les évangiles nous révèlent plusieurs dimensions de ce que Jésus est et ce qu'il fait. Jésus est révélé ici comme étant le roi des Juifs. Les mages sont venus dire « Où est le roi des Juifs ?» Oui, Jésus était considéré comme roi. En réalité, bien qu'étant né comme enfant, il était le roi. Non seulement le roi des Juifs, mais celui qui deviendra le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Ce passage nous révèle que son étoile brillait depuis sa naissance. C'est pourquoi il y a le mot anglais « star ». Jésus était une étoile. Je vais parler à quelqu'un, écoute-moi bien. Est-ce que tu sais que lorsque tu es né, lorsque tu fais partie du peuple choisi de Dieu, il y a une étoile qui brille. Souvent, c'est ceux qui sont dans le monde des ténèbres qui peuvent voir cela. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es une star en Jésus-Christ. Ton étoile brille parce que tu as été élu depuis la fondation du monde. Même depuis ta naissance, le diable, les démons le savent que tu es venu sur cette terre pour une mission. C'est pourquoi tu as connu beaucoup de combats depuis le jeune âge. Vous voyez? Le mage dit, nous avons vu son étoile briller depuis l'Orient. Ce passage nous montre également que Jésus est digne de recevoir l'adoration. En cela, il est Dieu. Parce que lorsque les mages sont venus, ils se sont prosternés devant lui et ils l'ont adoré. Les gens qui disent que Jésus n'est pas Dieu, mais voici déjà une preuve qui montre sa divinité. Autre vérité sur la personne de Jésus, sa venue dans le monde a troublé les pouvoirs politiques de l'époque. Hérode était troublé. En réalité, ce n'était pas lui, c'est celui qui était en lui. Les puissances sataniques qui agissent. Nous devons savoir que là où Jésus vient, le monde des ténèbres est troublé parce qu'il est apparu dans ce monde afin de détruire les œuvres du diable. Le verset 3 dit, le roi Hérode ayant appris cela, fut troublé et tout Jérusalem avec lui. Ne t'étonne pas de ce que, lorsque tu pries, tu invoques le nom de Jésus, il y a des gens qui sont troublés. Il y a des gens qui disent qu'ils te dérangent. En réalité, il y a des gens qui parlent de tapage nocturne. Je ne dis pas que les chrétiens doivent déranger les voisins. Mais souvent les gens se cachent derrière les tapages nocturnes. En réalité, ils sont troublés sur le plan spirituel. Est-ce que tu comprends cela? Et ce passage nous montre que la naissance de Jésus fut prophétisée. L'évangile de Matthieu ne cesse de reprendre en disant « Ceci est écrit afin que ce qu'ont dit les prophètes s'accomplit. » Jésus est l'accomplissement des prophéties de l'Ancien Testament. Même sa ville de naissance a été prophétisé à l'avance. Le verset 5 dit, « Ils lui dirent à Bethléem en Judée, car voici ce qui a été écrit par les prophètes, et toi Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre entre les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui pètera Israël, mon peuple. » Deuxième vérité, lorsque nous sommes des étoiles, comme ce fut le cas de Jésus, l'ennemi va chercher à nuire à notre vie dès le bas âge, mais il ne peut pas empêcher le plan de Dieu. Lorsque Hérode a appris la naissance de Jésus, qu'il est né le roi des Juifs, il a automatiquement mis un plan sur pied pour chercher à éliminer les petits enfants. Il avait tout un service de renseignements. Je voudrais que nous puissions comprendre aujourd'hui, même dans nos églises, tous ceux qui viennent là, ils ne viennent pas pour prier. Il y a des gens qui viennent comme des agents de renseignements dans le monde des ténèbres, pour connaître ce que nous faisons. C'est pourquoi nous devons faire attention et parfois être discrets. Vous voyez ici, le verset 7 dit, « Alors Hérode fit appeler en secret les mages et s'enquit soigneusement auprès d'eux depuis combien de temps l'étoile brillait. Puis les envoya à Bethléem en disant, « Allez et prenez des informations exactes sur les petits enfants. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le-moi savoir afin que j'aille moi aussi même l'adorer. » Vous voyez, en réalité, c'était faux. Il n'allait pas pour adorer, mais il avait conçu un plan pour éliminer Jésus qu'il trouvait comme un concurrent. Aujourd'hui, ne soyons pas étonnés de voir que l'ennemi infiltre ses agents dans l'église. Ils viennent pour avoir des informations. Ils viennent pour savoir qui sont les gens qui sont influents dans l'église, qui sont ceux qui financent l'église, qui sont ceux qui font telle ou telle chose pour entreprendre un plan pour attaquer, combattre les gens qui sont engagés. Je vais parler à un frère, écoute-moi bien. Ces derniers temps, tu vis des moments d'attaque, de combat. C'est parce que le Seigneur t'a choisi. Tiens bon. La Bible dit, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Nous voyons ici que Dieu a renversé le plan d'Hérode. Les mages, bien qu'ils ne connaissaient pas réellement Dieu, bien qu'ils ne faisaient pas partie d'Israël, mais ils avaient la crainte de Dieu. La Bible nous dit, au verset 12, puis divinement avertis en songe de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Troisième vérité nous montre la signification de la vraie adoration. Il y a un exemple. Souvent, lorsque nous disons que nous allons à l'église, nous allons peut-être à la messe, au culte, nous ne comprenons pas ce qu'est la vraie adoration. Nous voyons ici, il y a deux faits qui peuvent nous montrer ce que signifie l'adoration. D'abord, les mages se sont prosternés. C'est un signe d'humilité. Quand j'adore le roi de gloire, j'adore mon Dieu, je dois avoir une attitude d'humilité. Je m'abaisse. C'est pourquoi ils se sont prosternés. C'est pourquoi en grec, le même verbe qui parle de se prosterner signifie adorer, s'incliner, se mettre par terre. Deuxièmement, un vrai adorateur vient adorer avec tout ce qu'il est et tout ce qu'il a. C'est-à-dire que j'adore Dieu, même par mes avoirs. De ce point de vue, l'offrande, tout ce que nous donnons, nos dîmes, nos offrandes, font partie de l'adoration. Les mages ne sont pas partis les mains vides. Lorsque tu vas dans la maison de Dieu pour l'adorer, ne pars pas les mains vides. C'est pourquoi la Bible disait déjà dans l'Ancien Testament, tu ne te présenteras pas dans la maison de l'Éternel les mains vides. Le verset 11 dit, ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leur trésor et lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Ils ouvrirent leur trésor, bien-aimés dans le Seigneur. Ouvrons nos trésors pour donner à Jésus ce que nous avons de plus précieux. Ne donnez pas de n'importe quoi quand vous voulez faire l'offrande. Parce que nous le faisons à notre roi, à celui qui est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Il est digne de louange, il est digne de toute adoration. Que son nom soit béni. Nous allons chanter pour lui ce cantique, pour l'adorer. Au Seigneur. Élevons ensemble nos voix. Bénissons le Seigneur. Que chacun dise au Seigneur, Jésus, tu es digne de recevoir la louange, l'adoration, l'honneur et la gloire. Élève ta voix. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche. Nous te bénissons, Seigneur Jésus, toi l'étoile brillante du matin. Tu es celui qui nous éclaire, tu es celui qui nous conduit. Oh, sois béni, Jésus, sois glorifié. Toi le roi de gloire, le Seigneur de gloire, le Seigneur des seigneurs, le Dieu vivant, le Dieu tout-puissant. Nous te bénissons et nous t'adorons. Toi le Dieu digne d'être adoré, digne d'être exalté, digne d'être élevé. C'est pourquoi les mages se sont prosternés devant toi pour te louer et t'offrir des présents. Oh, tu en es digne, Jésus. Nous bénissons ton nom. Nous t'élevons. Sois béni, toi qui as paru dans ce monde pour détruire les œuvres du diable. Tu es digne d'être élevé, d'être magnifié. Toi, notre libérateur, nous bénissons ton nom. Ô notre Dieu, notre Seigneur, toi le Seigneur des gloires, le Seigneur des seigneurs, le Dieu tout-puissant, reçois l'honneur et la gloire au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous sommes à notre émission de prière OSB, Opération sur la brèche. Vous pouvez réécouter cette émission sur notre site web www.radiofréquencevie.com. Si tu as l'application Fréquence Vie que tu as téléchargé sur ton téléphone Android ou sur ta tablette, tu as la possibilité de nous envoyer une photo ou bien un élément vidéo pour donner ton témoignage sur OSB. Ça nous fera du bien et ça va glorifier le nom du Seigneur. Le passage du jour, c'est Matthieu chapitre 2, 1 à 12. Ce passage nous révèle que Jésus est le roi des rois. Jésus est né comme une étoile. Son étoile brillait depuis l'Orient. Il est digne de recevoir l'adoration parce qu'il est Dieu. Sa venue trouble les mondes des ténèbres et sa naissance a été prophétisée. Oh, il est digne. Je voudrais que chacun de nous puisse élever Jésus comme roi dans sa vie. Tu vas dire, Jésus, je t'élève comme roi. Et que tout ce qui n'est pas de toi soit rabaissé automatiquement. Et tout ce qui vient combattre ton règne soit troublé dans le nom de Jésus-Christ. Prions le Seigneur au nom de Jésus. Seigneur, je te rends grâce, je te bénis et je te glorifie. Je dis merci au Père éternel, toi qui es Dieu d'éternité en éternité. Ce matin, ô Père éternel, c'est un privilège pour moi de reconnaître la seigneurie de ton Fils Jésus-Christ. Il a donné sa vie pour nous. Je déclare dans le nom de Jésus-Christ et je confesse que Jésus-Christ est non seulement Seigneur, mais il est le roi des rois. Je déclare dans le nom de Jésus-Christ que tout esprit qui s'oppose à cette affirmation, tout esprit qui va à l'encontre de cette affirmation est lié dans le nom de Jésus-Christ. C'est par la mort et la résurrection de Jésus-Christ que nous avons la vie éternelle. C'est par la mort et la résurrection de Jésus-Christ que nous sommes enfants de Dieu. Nous disons merci, Père, d'avoir envoyé ton Fils comme le roi des rois, comme le Seigneur des seigneurs, comme celui qui gouverne sur toutes choses. choses. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous te rendons grâce et nous te bénissons. Et nous te disons merci pour toutes les implications de cette affirmation, pour toutes les implications qui sont liées à la seigneurie et à la royauté de Jésus-Christ. Que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié à tous égards. C'est au nom de ton Fils Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Amen. Nous venons de voir que lorsque nous sommes nés des étoiles, comme ce fut le cas de Jésus, le monde des ténèbres cherche à nous combattre parce qu'il sait que nous sommes venus sur la terre avec une mission. Tu vas prier le Seigneur. Peut-être que tu vois que tu vis beaucoup de combats. Depuis ton jeune âge, tes parents t'ont dit comment tu étais combattu. Mais le Seigneur dit, ils te feront la guerre, ils ne te vaincront pas. Tu vas prier pour que le Seigneur renverse les plans de tes ennemis comme il a renversé les plans d'Hérode au nom de Jésus-Christ. Croyons au pouvoir de ta parole. Merci Seigneur. Louange à toi. Acclamation à toi. Élévation, majesté, puissance, autorité et suprématie. Nous croyons en toi. Nous avons vu l'exemple d'Aman. Nous avons vu l'exemple de tous ceux qui ont combattu ton peuple. Comment leur pouvoir a été renversé. Leur manigance ont été renversés. Leur plan machiavélique a été renversé. Nous avons été combattus et sommes toujours combattus, tes enfants. Mais nous avons toujours la victoire parce que tu es avec nous. Puisque tu as dit, celui qui nous a touché les pneus de tes yeux. Tu nous gardes comme une poule garde ses poussins. Louange à toi parce que les plans de l'ennemi se renversent. Nous envoyons à l'envoyeur, ce qui nous envoie au nom de Jésus-Christ. Merci parce que tu nous gardes, tu nous protèges au nom de Jésus. Amen. Amen. Oh, nous venons de voir ce qu'est la vraie adoration. Nous adorons le Seigneur en nous prosternant, en nous humiliant devant lui. Mais nous l'adorons également avec nos biens, avec nos trésors. Prions chacun de nous pour que Dieu fasse de chacun de nous un vrai adorateur. Adorant en esprit en vérité, mais adorant aussi avec ses biens, avec ses offrandes pour la gloire du Seigneur. Prions le Seigneur. Gloire à toi, Jésus-Christ de Nazareth, gloire au ressuscité, gloire au Dieu qui pourvoit chaque jour à tous nos besoins. Jéhovah Jireh, béni sois-tu pour tes merveilles dans notre vie. En reconnaissance, nous voulons t'adorer avec notre cœur. Nous voulons t'adorer en esprit et en vérité. Nous voulons t'adorer avec nos biens. Nous voulons t'adorer avec nos offrandes. Ce matin, merci parce que nous nous engageons à ne pas bénir dans ta maison les mains vides, selon ta parole qui dit dans Malachie 3, verset 10, « Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. Si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. » Père, nous voulons t'adorer avec nos offrandes. Tu as dit que tu menaces le dévoreur. Merci parce que en te donnant, en bénissant ton œuvre, en participant à l'évolution de ton œuvre, en donnant aussi à tes serviteurs qui sont des canaux, qui nous enseignent, qui nous guident, qui nous prodiguent des conseils spirituels. En donnant la radio fréquence vie pour l'évangélisation, pour la progression, pour l'expansion de ton œuvre, Seigneur, c'est de ta volonté. C'est pour cela que je prie, pour toutes ces personnes qui se sont engagées en tant qu'amis, toutes ces personnes de façon bénévole, de façon, oh Dieu, spirituelle, viens et donne à la radio, bénis-les, bénis-les, bénis leurs activités, bénis leur maison, bénis leur projet, au nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. C'était OSB. Nous rappelons que dimanche prochain, 3 juillet, nous aurons la rencontre bonheur conjugal pour le couple marié. Et nous allons développer ce thème sur la dépression, ses causes, ses origines et comment vaincre la dépression. L'entrée est libre. Ce sera à partir des 17h au CPE, dans la même cour que la radio Fréquente Vie. Au revoir et à demain. Du Seigneur, à nous la puissance, par son bras puissant.